Le Premier ministre Park Bong-joon s'est enquis sur place de l'état de l'agriculture des arrondissements de la province du Pohang du Sud. Il a fait le tour de la ferme coopérative de Yulto Samchun de l'arrondissement de Sukchun et de la ferme coopérative de Ryonglim de l'arrondissement d'Omundo, région productrice de céréales du littoral ouest, pour encourager les agriculteurs qui accélèrent le repiquage. À la réunion consultative, on a délibéré sur des problèmes pour fournir les matériaux aratoires nécessaires à la production agricole.